le navire amiral de l'escadre allemande de la mer Baltique, faisant relâche à Toulon, est accueilli au quai d'honneur de l'arsenal au son de « Salut à Kiel ».